Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de l'Européen de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 22. Ce qui arriva l'hiver et le printemps suivant de l'an 1613. Le sieur de Biencourt s'attendait de recevoir secours de France avant l'hiver, voire même on avait dit qu'il y avait 3 ou 4 navires en mer, et déjà cherchait-on où l'on pourrait loger tant de biens que venaient en flotte. Sur cette confiance, le sieur de Biencourt avait troqué quasi tout, et par conséquent, il se trouva bien ébahi quand, à la Toussaint, il se trouva hors d'espoir de secours pour cette année. Or, les Jésuites, qui n'avaient pas mis cuire, comme l'on dit, sur ces imaginatines ententes, avaient réservé dans leur magasin 5 grands poinçons de blé, 4 de froment et 1 d'orge qu'on leur avait envoyé de France pour leurs particuliers. Tout cela faisait 14 barils de bon grain. Eux, donc, voyant la nécessité du sieur de Biencourt, l'allèrent trouver et lui offrirent leurs moyens de bonne volonté et qu'il prit tout leur blé, or seulement 2 barils de froment et 1 d'orge qu'il désirait se réserver pour divers accidents de nécessité et maladie, tant d'eux que des autres. Quant au reste, qu'on n'innoverait rien et qu'il recevrait la distribution comme de coutume et quotidiennement. Le sieur de Biencourt accepta l'offre et les conditions et, suivant Ticelle, on commença de vivre. Cependant, les Jésuites, ayant Dieu pour appui, ne perdaient pas courage, ainsi suivant la lumière et l'engin qui leur était donné, pourvoyaient à l'avenir. Partant, ils s'avisèrent de bâtir une chaloupe, tandis que les autres demeuraient auprès du feu à leur aise sans travailler, car ils prévoyaient que sans bateau, il leur arriverait de mourir de faim après 2 mois que leur pourrait durer leur orge, parce qu'ils ne pourraient aller sans bateau ni au gland, ni au coq, ni aux racines, ni à la pêche, ni autre part où serait quelque espérance de quête, parce que les chemins de ce pays-là sont les rivières et la mer. Au commencement de cette entreprise de bâtir une chaloupe, on se moquait d'eux, car le conducteur de l'œuvre était leur garçon qui n'en savait pas plus qu'un apprenti. Ses aides étaient 2 prêtres qui jamais n'avaient fait ce métier. Néanmoins, disait-on, le père Ennemond sait tout faire, et au besoin, il se trouvera bon scieur des, bon calfeutreur et bon architecte. Mais le père Billard, de quoi servira? Et à cela, disait l'autre, ne sais-tu pas que quand la chaloupe sera faite, il lui donnera sa bénédiction? Ainsi causait-il, et en avait beau loisir auprès du feu. Mais les Jésuites ne perdaient pas de temps à scier planches, à reboteiller, à rechercher courbes, à faire étoupe des bouts de cardage qu'ils trouvaient, à courir les bois pour amasser de la résine. Que voulez-vous, à la mi-mars, leur gaillarde chaloupe fut dans l'eau, équipée, parée, accommodée bravement avec l'admiration de ceux qui s'en étaient moqués. Et, tout au contraire, le sieur de Biencourt, qui, au commencement de l'hiver, avait eu 3 bonnes chaloupes, ne s'en trouva pas à la fin et fut contraint du bris des 3, de faire ravander un mauvais bateau tout au plus pour 3 personnes, qui n'eût su faire 3 lieues continuellement en mer sans sombrer, tant il faisait d'eau. Or, la chaloupe étant prête et appareillée, le père Billard s'en alla en haut, contre la rivière, avec leurs serviteurs et 1/3, qui se joignit à eux, appelé Jean-Baptiste Charpentier. Ils allèrent à la quête du gland et des racines. Ces racines sont appelées en sauvage Chiquibi, et s'engendrent volontiers auprès des chênes. Elles sont comme des truffes, mais meilleures, et croissent sous terre, enfilées l'une à l'autre, en forme de chapelet. Il y en a beaucoup en certains endroits. Il est vrai qu'il est bien difficile d'aller quelque part où le sauvage n'est déjà fouillé. Ainsi, on n'en trouve guère que de bien petites, et encore faut-il bien travailler pour en vivre un jour. Après avoir couru en haut contre la rivière, pour les glands et les racines, il s'en alla à l'éplan. Éplan, ou épelant, est un petit poisson comme les sardines de Rouen qui, venant de la mer, frais contre certains ruisseaux vers le commencement d'avril. Il y en a un, à 4 lieues de Port-Royal, qui, quelquefois, en fourmille tout ce temps-là. Pour cette cause, les sauvages s'y viennent alors cabaner et en vivent. Après les plans, viennent les harengs, qui feraient de même une autre rivière. Le père Edmond entreprit cette pêche des harengs et, après celle-ci, celle des mollus. Déjà, le mois de mai étant venu en cette façon, nous bourrâmes le temps, comme l'on dit, avec les épaules, ou plutôt avec les pieds et les bras, traînant notre misérable vie jusqu'à ce que le navire arrivât, le voyage et route duquel il nous faut reprendre de plus haut. Chapitre 23. L'arrivée de la Saussaie à Port-Royal et de là à Saint-Sauveur. On dressait en France un équipage pour retirer les Jésuites de Port-Royal et fonder une nouvelle habitation de Français en un autre lieu plus commode. Le chef de cet équipage était le capitaine La Saussaie, ayant 30 personnes qui devaient hiverner dans le pays, en comptant les 2 Jésuites et leurs serviteurs, qu'il devait prendre à Port-Royal. Il avait de plus avec lui 2 autres Jésuites, le père Quentin et Julbert Dutet, qu'il conduisait. Mais il devait revenir en France au cas que les 2 du Port-Royal ne fussent pas morts, de quoi on se doutait. Tout l'équipage, en comptant les matelots, était de 48 personnes. Le maître du navire était Charles Fleury de Ableville, homme judicieux, hardi et paisible. La reine, de sa bonne grâce, avait contribué aux dépenses de 4 tentes du pavillon du roi et quelques munitions de guerre. Le sieur Simon Lemaître avait vaqué sérieusement à tout l'affrètement et avitaillement, et Julbert Dutet, jésuite coadjuteur, homme fort industrieux, ne s'y était point épargné. De manière qu'on était richement provisionné de toutes choses pour plus d'un an, outre les chevaux et chèvres qu'on conduisait pour commencement de ménage. Le navire était de 100 tonneaux. Cet équipage, ainsi ordonné, partit de Honfleur le 12 mars 1613 et atterrit premièrement au cap de la Hève, en Acadie, le 16 mai, ayant consumé à son trajet 2 mois entiers. Au cap de la Hève, ils dirent messe et dressèrent une croix, y apposant les armoiries de Madame la marquise de Guercheville, pour marque de possession prise en son nom. De là, se remettant en mer, ils vinrent à Port-Royal. À Port-Royal, ils ne trouvèrent que 5 personnes, savoir les 2 Jésuites, leurs serviteurs, l'apothicaire Hébert et un autre. Le sieur de Biencourt et ses autres gens étaient tous bien loin, qui ça, qui là. Or, parce que Hébert tenait la place du dissieur, on lui présenta les lettres de la reine, par lesquelles jugeons était faite de relâcher les Jésuites et leur permettre d'aller où bon leur semblerait. Ainsi, les Jésuites retirèrent leur harde en bonne paix, et tant ce jour-là que le suivant, on fit bonne chère à Hébert et à son compagnon, afin que cette venue ne leur fût pas triste. Au départ, quoiqu'ils ne fussent pas en disette, on leur laissa un baril de pain et quelques flacons de vin, à ce que l'adieu fût pareillement de bonne grâce. La contrariété des vents nous retint 5 jours à Port-Royal, d'où, s'élevant un prospère nord-est, nous partîmes en intention d'aller à la rivière de Pentagouet, au lieu appelé Quédescuit, lieu qu'on avait destiné pour la nouvelle habitation, et ayant à cet effet beaucoup de grands avantages. Mais Dieu en disposa autrement, car, comme nous fûmes au sud-est de l'île de Ménano, le temps se change et survint en mer une si épaisse brume que nous n'y voyons pas plus de jour que de nuit. Nous appréhendions grandement ce danger parce qu'en cet endroit, il y a beaucoup de brisants et rochers contre lesquels nous craignions de donner parmi les ténèbres. Le vent ne nous permettant pas de nous tirer hors et nous mettre au large, nous demeurâmes en cette façon 2 jours et 2 nuits, virant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme Dieu nous inspirait. L'affliction nous émut de faire prières à Dieu de ce qu'il lui plut nous délivrer du péril et nous adresser à quelque bon lieu pour sa gloire. De sa bonté, il nous exauça, car le soir même, nous commençâmes à voir les étoiles, et le matin, les brouées se dissipèrent. Nous nous reconnûmes être au-devant des monts déserts, île que les sauvages appellent Pémétique. Le pilote adressa au côté oriental de l'île, et il nous logea en un beau et grand port, et nous y rendîmes nos vœux, élevant la croix et chantant à Dieu des louanges avec le sacrifice de la Sainte Messe. Nous appelâmes ce lieu et port Saint-Sauveur. Chapitre 24. À quelle occasion nous nous arrêtâmes à Saint-Sauveur? La bonté du lieu. Or, en ce port de Saint-Sauveur, grande contention s'éleva entre les matelots et notre équipage, ou nous autres passagers. La cause en était parce que la charte partie et l'accord passé en France, portant que les 10 matelots seraient tenus ancrés en un port de l'Acadie que nous leur nommerions, et là, séjournés pendant 3 mois, les 10 matelots se maintenaient à être arrivés en un port de l'Acadie, et que partant, le dit terme de 3 mois devait partir de cette arrivée. On leur répliquait que ce port n'était pas celui qu'on leur avait nommé Quai des Squites, et partant, que le temps ne courait point avant qu'ils y fussent. Le pilote s'opiniâtrait la contre, maintenant que jamais navire n'avait été jusqu'à Quai des Squites et qu'il ne voulait point se faire un découvreur de nouvelles routes. Raison de ça, raison de là, rien que plaidoirie. Mauvais augure de l'avenir. Sur ces contestes, les sauvages nous firent de la fumée. Ce signal veut dire qu'ils les aillent reconnaître, si on a besoin d'eux, se confie. Le pilote, par occasion, leur dit que les pères de Port-Royal étaient dans son navire. Les sauvages répliquèrent qu'ils verraient bien volontiers ceux qu'ils avaient connus il y a 2 ans à Pentagouette. C'était le père Billard, qui les alla incontinent trouver et s'informa d'eux touchant la route de Cadiscuit, leur signifiant qu'ils s'y voulaient habiter. « Mais, dirent-ils, si tu veux te loger en ce quartier, que ne demeures-tu pas plutôt avec nous, qui avons bien une autant et bonne place que Cadiscuit ?» Et commencèrent à lui raconter les louanges de leur demeure, assurant qu'elle était si saine et si agréable que quand les sauvages sont malades autre part, ils se font porter en ce lieu et y guérissent. Ces bénédictions n'émouvaient pas beaucoup le père Billard, parce qu'il savait assez que les sauvages ne manquent pas de ce dont chacun abonde, c'est de priser ses denrées. Mais ils surent bien bander la machine pour l'enlever. « Thor, dirent-ils, il faut que tu viennes, d'autant que Astikou, notre sagamo, est malade à la mort. Et si tu ne viens, il mourra sans baptême et n'ira pas au ciel. Tu en seras la cause, car, pour lui, il voudrait bien être baptisé. » Ces raisons, ainsi naïvement déduites, fit étonner le père Billard et lui persuada totalement de s'y en aller, vu même qu'il n'y avait que 3 lieues à faire, et que pour tout, il n'en résulta pas grande perte de temps que d'une après-dîner. Ainsi, il se mit dans un de leurs canots avec le sieur de la Motte et Simon l'interprète et s'en allèrent. Arrivés aux cabanes d'Astikou, nous le trouvâmes malade, mais pas à mort, car ce n'était qu'un rhume qui le tourmentait. Partant, l'assurance de ses forces nous donna beau loisir d'aller visiter ce lieu si vanté, et meilleur que Cadiscuit, pour une habitation française, et de vrai, nous ne trouvâmes pas que les sauvages eussent eu mauvaise raison de le haut louer, car nous-mêmes nous en émerveillions. Et en ayant porté les nouvelles aux principaux de notre équipage, et eux encore l'étant venus reconnaître, tous, unanimement, consentirent qu'il fallait s'arrêter là et ne pas chercher mieux, vu même que Dieu semblait le dire par les heureuses rencontres qui nous étaient arrivées, et par un certain miracle qu'il fit en la guérison d'un enfant, duquel nous parlerons autre part. Ce lieu est une jolie colline élevée doucement sur la mer et baignée à ses côtés de 2 fontaines. La terre y est escarpée à 20 ou 25 arpents, herbue en quelques endroits, presque à la hauteur d'un homme. Son aspect est au midi et orient, quasi à l'embouchure de Pentagouette, et où se déchargent plusieurs agréables et poissonnées rivières. Le terroir y est noir, gras et fertile. Le port et Havre sont des plus beaux que l'on puisse voir et en endroit propre à commander toute la côte. Le Havre, spécialement, est assuré comme un étang, car, outre qu'il est séparé de la grande île des monts déserts, il l'est encore de certaines petites îlettes qui rompent les flots et les vents et fortifient son entrée. Il n'y a flotte de laquelle il ne soit capable et navire si haut qu'il ne puisse approcher de terre pour décharger jusqu'à la longueur d'un châble. Sa situation est à 44 degrés et un tiers d'élévation, position encore moins boréale que celle de Bordeaux. Or, étant descendus en ce lieu et ayant planté la croix, nous commençâmes à travailler et, avec le travail, commencèrent nos contestations, second signal et prodige de nos malheurs. La cause de ces contestations était que notre capitaine, la Saucet, s'amusait trop à cultiver la terre, et tous les principaux le pressaient de ne pas distraire en cela les ouvriers, et vaquer sans répit aux logements et fortifications, ce qu'il ne voulait pas faire. De ces contestations envers d'autres, jusqu'à ce que l'Anglais nous mîmes d'accord, comme vous l'allez voir.